Rapport final du Conseil indépendant sur l'affaire Iran-Contra. Résumé du rapport. En octobre et novembre 1986, deux opérations secrètes du gouvernement américain furent révélées publiquement. Opérations qui pouvaient impliquer des fonctionnaires de l'administration Reagan dans des activités illégales. Ces opérations consistaient en des fonds d'aide aux activités militaires des rebelles de la Contra nicaraguayenne au cours d'une période d'interdiction d'une telle aide, qui alla d'octobre 1984 à octobre 1986, et en la vente d'armes américaines à l'Iran, en violation de la politique du gouvernement américain, et en violation possible de la loi de contrôle sur l'exportation d'armes. À la fin novembre 1986, des fonctionnaires de l'administration Reagan annoncèrent que certains des bénéfices provenant de la vente des armes américaines à l'Iran avaient été détournés au profit des Contras. À la suite de la divulgation de ces opérations, le ministre de la Justice, Edwin Meese III, demanda la nomination d'un conseil indépendant afin d'enquêter sur les crimes éventuels résultant de ces opérations et, si nécessaire, d'engager des poursuites. La division spéciale de la Cour d'appel américaine de la circonscription du district de Columbia nomma Lawrence E. Walsh conseil indépendant le 19 décembre 1986 et le chargea d'enquêter sur 1. La vente directe ou indirecte, les cargaisons et le transfert depuis 1984 à aujourd'hui d'armes, de matériel militaire ou de fonds au gouvernement iranien, aux fonctionnaires de ce gouvernement, aux personnes, organisations ou entités connectées à ce gouvernement ou prétendant le représenter, ou aux personnes installées en Iran. 2. La vente, directe ou indirecte, les cargaisons et le transfert d'armes, de matériel militaire ou de fonds à tout gouvernement, entité ou personne agissant ou prétendant agir en tant qu'intermédiaire dans toutes les transactions citées plus haut. 3. Le financement de ou le déblocage de fonds pour toute vente directe ou indirecte, toute cargaison ou tout transfert cité plus haut. 4. Le détournement des bénéfices de toutes les transactions décrites plus haut par ou pour toute personne, organisation, gouvernement étranger, faction ou groupe d'insurgés dans tout pays étranger incluant le Nicaragua, mais ne s'y limitant pas. 5. L'apport ou la coordination d'aide aux personnes ou entités engagées comme insurgés militaires dans des conflits armés avec le gouvernement du Nicaragua depuis 1984. Voici le rapport final de cette enquête. Conclusion globale. Les investigations et les poursuites engagées ont montré que des hauts fonctionnaires du gouvernement violèrent des lois et des décrets-lois dans l'affaire Iran-Contra. Le Conseil indépendant en vint à la conclusion que les ventes d'armes à l'Iran ont enfreint la politique du gouvernement des États-Unis et peuvent avoir violé la loi de contrôle sur l'exportation d'armes, Arms Export Control Act. L'apport et la coordination d'aide aux Contras ont enfreint l'interdiction d'aide aux activités militaires au Nicaragua prescrite par l'amendement Boland. Les politiques derrière les opérations d'Iran et de la Contra ont été entièrement examinées et mûrement pensées dans les plus hautes sphères du gouvernement Reagan. Bien qu'il n'y ait que peu de preuves de l'étendue de la connaissance du Conseil national de sécurité CNS de la plupart des opérations de soutien aux Contras, il n'y avait aucune preuve quant au dissentiment de certains membres du CNS à propos de la politique sous-jacente, qui était de garder les Contras vivants malgré les restrictions du Congrès sur l'aide aux Contras. Les opérations d'Iran furent conduites à la connaissance, entre autres, du président Ronald Reagan, du vice-président George Bush, du secrétaire d'État George P. Shultz, du ministre de la Défense Caspar W. Weinberger, du directeur de la CIA, William J. Casey, et des membres du Conseil national de sécurité, Robert C. McFarlane et John M. Poindexter. De tous ces officiers, seuls Weinberger et Schultz allèrent contre la décision de principe, mais Weinberger finit par y consentir en ordonnant au ministère de la Défense de fournir les armes nécessaires. De grandes quantités de documents très pertinents, datant de la même époque, furent cachés aux enquêteurs de manière systématique et délibérée par plusieurs fonctionnaires du gouvernement Reagan. Suite à la révélation de ces opérations en octobre et novembre 1986, les officiels du gouvernement Reagan ont délibérément trompé le Congrès et le public sur le niveau et l'étendue de la connaissance des faits de l'administration, ainsi que de l'aide apportée à ces opérations. En outre, le Conseil indépendant en vint à la conclusion que la nature confidentielle des opérations d'Iran et de la Contra donna l'opportunité à certains membres du personnel de commettre des délits de fraude. Les faits essentiels de l'Iran Gate. L'affaire Iran-Contra concernait deux lignes politiques secrètes du gouvernement Reagan, dont les opérations furent coordonnées par le personnel du Conseil national de sécurité. En 1985 et 1986, l'opération d'Iran impliqua des efforts pour obtenir la libération d'Américains retenus en otage au Moyen-Orient par la vente d'armes américaines à l'Iran, malgré un embargo sur de telles ventes. De 1984 à 1986, les opérations de la Contra impliquèrent l'aide secrète du gouvernement aux activités militaires et paramilitaires de la Contra au Nicaragua, malgré l'interdiction de cette aide par le Congrès. Les opérations d'Iran et de la Contra se rejoignirent lorsque les fonds générés par la vente d'armes à l'Iran furent détournés afin de soutenir l'effort de la Contra au Nicaragua. Bien que ce détournement puisse être l'aspect le plus dramatique de l'affaire Iran-Contra, il est important d'insister sur le fait que les deux opérations de l'Iran et de la Contra ont enfreint séparément la politique et la loi des États-Unis. L'ignorance de ce détournement, affirmée par le président Reagan et les membres de son cabinet au Conseil national de sécurité, ne les disculpe en rien de leur responsabilité dans les opérations sous-jacentes d'Iran et de la Contra. Le secret concernant les activités de l'Iran et de la Contra fut finalement mis au jour par des événements qui se déroulèrent à des milliers de kilomètres de là, à l'automne 1986. Le premier se produisit le 5 octobre 1986, lorsque les soldats du gouvernement abattirent un avion cargo qui transportait des ravitaillements militaires aux forces de la Contra. Le seul membre de l'équipage à avoir survécu, l'Américain Eugene Eisenfuss, fut fait prisonnier et affirma travailler pour la CIA. Le 3 novembre, un mois après l'affaire Eisenfuss, la vente secrète d'armes américaines à l'Iran par le président Reagan fut rapportée par une publication libanaise. Le lien entre ces deux opérations fut rendu public le 25 novembre 1986, lorsque Meese, le ministre de la Justice, annonça que des membres du ministère de la Justice avaient découvert que certains des bénéfices de la vente d'armes à l'Iran avaient été détournés au profit des Contras. Quand ces opérations prirent fin, la divulgation de l'affaire Iran-Contra entraîna une nouvelle série d'illégalités. Des hauts fonctionnaires du gouvernement Reagan s'évertuèrent, après concertation, à tromper le Congrès et le public à propos de leur connaissance de ces opérations et de l'aide qu'ils y ont apportée. Cela commença par les témoignages d'Elliot Abrams et d'autres dès octobre 1986 et continua jusqu'au témoignage public de Caspar W. Weinberger le dernier jour des audiences du Congrès pendant l'été 1987. Le Conseil indépendant en vint à la conclusion que les conseillers les plus haut placés du président, ainsi que les membres du cabinet du Conseil national de sécurité, élaborèrent une stratégie pour faire des membres du personnel de la sécurité nationale, McFarlane, Poindexter et North, les boucs émissaires dont le sacrifice protégerait le gouvernement Reagan pendant ces deux dernières années. D'une certaine façon, qui a son importance, cette stratégie réussit. Le Conseil indépendant découvrit la plupart des preuves prouvant qu'on avait tenté d'étouffer l'affaire lors de la dernière année d'enquête, trop tard pour engager la majorité des poursuites.